Les éditions de l'Avenir présentent Relations des Jésuites, contenant ce qui s'est passé de plus remarquable dans la mission des Pères de la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle-France. Volume 1, embrassant les années 1611, 1626 et la période de 1632 à 1641. Québec, Augustin Côté, éditeur-imprimeur, près de l'archevêché, 1858. Relations de ce qui s'est passé en la Nouvelle-France en l'année 1633. Envoyé au révérend père Barthélemy Jacquinot, provincial de la Compagnie de Jésus en la province de France, par le père Paul Lejeune, de la même compagnie, supérieur de la résidence de Québec. Relation de 1633, troisième partie. Le 22 novembre, notre sauvage, c'est ainsi que j'appellerai ce bon Manitougache, surnommé l'Anas, se mit à faire une cabane de bois dans le bâtiment que nous ont brûlé les Anglais, tout auprès de notre petite maison. Il fit lui-même de la planche avec une hache, coupant certains arbres aisés à refendre. Il alla brûler une vieille chaloupe qu'il avait vue échouer et abandonner dans une île, et, du clou qu'il en retira, il se fit, avec ses planches, une petite maisonnette ou cabane assez passable. Les autres sauvages la venaient voir, et nos Français aussi, louant son invention. Je lui donnai un nom de Jésus en papier pour le mettre dedans en quelque endroit. Il l'attacha au plus beau lieu. Il arriva une chose plaisante à un sauvage qui le venait voir. Ce bonhomme regardait cette maisonnette de bois et ne savait par où entrer, ne pouvant trouver la porte. Il tourne et retourne à l'entour de cette cabane et, croyant qu'il n'y avait pas d'entrée, il s'en alla comme il était venu. On dira qu'il devait frapper, ce n'est point la coutume des sauvages. Ils entrent partout sans dire mot, ni sans vous saluer. Leur cabane ne ferme point, y entre qui veut. Ils n'ont qu'une vieille peau qui leur sert de porte. On n'entend point néanmoins parler de larrons parmi eux. Cela est fort rare. J'entends des montagnais, car les Hurons font métier de dérober. Aussi font-ils de meilleures cabanes, étant sédentaires et non vagabonds et errants comme ceux de ce pays-ci. J'apprends que ces Hurons tiennent un homme pour avoir de l'esprit, qui esquive la main du larron ou qui sait dérober sans être reconnu. Que s'il est surpris, battez-le tant que vous voudrez, il ne vous dira rien. Il souffre patiemment ce châtiment, non en punition du larcin, mais de sa lourdise, s'étant laissé surprendre. Le 27 du même mois de novembre, l'hiver, qui avait déjà paru comme de loin, de temps en temps, nous assiégea tout à fait. Car, ce jour et les suivants, il tomba tant de neige qu'elle nous déroba la vue de la terre pour 5 mois. Voici les qualités de l'hiver. Il a été beau et bon, et bien long. Il a été beau, car il a été blanc comme neige, sans crotte et sans pluie. Je ne sais s'il a plu 3 fois en 4 ou 5 mois, mais il a souvent neigé. Il a été bon, car le froid y a été rigoureux. On le tient pour l'un des plus fâcheux qui ait été depuis longtemps. Il y avait partout 4 ou 5 pieds de neige. En quelques endroits, plus de 10. Devant notre maison, une montagne. Les vents la rassemblant, et nous, d'autre côté, la relevant pour faire un petit chemin devant notre porte. Elle faisait comme une muraille toute blanche, plus haute de 1 ou 2 pieds que le toit de la maison. Le froid était parfois si violent que nous entendions les arbres se fendre dans le bois, et, en se fendant, faire un bruit comme des armes à feu. Il m'est arrivé qu'en écrivant fort près d'un grand feu, mon encre se gelait et, par nécessité, il fallait mettre un réchaud plein de charbons ardents proche de mon écritoire. Autrement, j'eusse trouvé de la glace noire au lieu d'encre. Cette rigueur démesurée n'a duré que 10 jours ou environ. Non pas continuelle, mais à diverses reprises. Le reste du temps, quoique le froid surpasse de beaucoup les gelées de France, il n'y a rien d'intolérable. Et je puis dire qu'on peut ici plus aisément travailler dans les bois qu'on ne fait en France, où les pluies de l'hiver sont fort importunes. Mais il se faut armer de bonnes mitaines, si on ne veut avoir les mains gelées. Nos sauvages, néanmoins, s'en venaient quelquefois chez nous à demi nus, sans se plaindre du froid. Ce qui m'apprend que, si la nature s'habitue à cela, la nature et la grâce pourront bien nous donner assez de cœur et de force pour le supporter joyeusement. S'il y a du froid, il y a du bois. J'ai dit que l'hiver a été long. Depuis le 27 de novembre jusqu'à la fin d'avril, la terre a toujours été blanche de neige. Et depuis le 29 du même mois de novembre jusqu'au 23 d'avril, notre petite rivière a toujours été glacée. Mais en telle sorte que 100 carrosses auraient passé dessus sans les branler. Les glaces sont de telle épaisseur que quand on vint à les rompre, proche de Québec, pour mettre une barque à l'eau, le sieur Duplessis me dit, qu'étant à terre, c'était tout ce qu'il pouvait faire d'atteindre en haut d'une glace avec la fourchette de mousquet qu'il tenait en sa main. Tout cela ne doit épouvanter personne. Chacun dit, ici, qu'il a plus enduré de froid en France qu'en Canada. Le scorpion porte son contrepoison. Dans les pays plus sujets aux maladies, il se trouve plus de remèdes. Si le mal est présent, la médecine n'est pas loin. Le 3 de décembre, nous commençâmes à changer de chaussures et nous servir de raquettes. Quand je vins à mettre ces grands patins tout plats à mes pieds, je m'imaginais qu'à tout coup, je donnerais du nez dans la neige. Mais l'expérience m'a fait voir que Dieu pourvoit commodément toutes les nations des choses qui leur sont nécessaires. Je marche fort librement avec ces raquettes. Pour les sauvages, cela ne les empêche ni de sauter comme des daims, ni de courir comme des cerfs. Ils font des souliers de peau d'élan pour s'en servir sur ces raquettes. Ils n'ont pas l'invention de durcir ou tanner le cuir, mais n'en ont-ils que faire. L'été, ils vont pieds nus. L'hiver, il faut que leurs souliers soient d'une peau maniable, autrement ils gâteraient leurs raquettes. Ils les font larges et fort amples pour les garnir de nippes ou de vieux haillons contre le froid. Si nous avions quelques peaux de France, un peu plus douces que les grosses empeignes de vache, cela nous ferait un bien incomparable. Notamment sur le renouveau, quand les neiges viennent à se fondre sur le midi. Car les souliers des sauvages boivent l'eau comme une éponge et ces peaux, venues de France, tiendraient le pied sec. Le 5 de décembre, il fit de grands vents, ce qui est arrivé par plusieurs fois. Le nord-est est ici violent. Il emporta, certains jours, une partie de la couverture d'un bâtiment du fort. Le père de nous, revenant ce jour-là d'y célébrer la Sainte-Messe, nous dit qu'ils étaient contraints, lui et un jeune garçon qui l'accompagnait, de se tenir l'un l'autre, de peur que le vent ne les enlevât. Passant, vers ce même temps, dans les bois où étaient cabanées quantité de sauvages, je trouvai un corps mort, enseveli par les sauvages. Il était élevé fort haut sur des fourches de bois, accompagné de ses robes et autres richesses, couvert d'une écorce. C'est leur drap mortuaire. Je demandai quand on l'enterrait. Ils me répondirent quand il ne neigerait plus. La neige tombait pour l'or en abondance. À l'occasion de cette rencontre, quelqu'un me dit qu'un sauvage étant mort, les autres frappent la cabane, criant « Oué, oué, oué », etc. Et comme j'en demandais la raison à un sauvage, il me dit que c'était pour faire sortir l'esprit de la cabane. Le corps du mort ne sort point par la porte ordinaire de la cabane. Il lève l'écorce voisine du lieu où il est mort et le tire par là. Je demandai pourquoi. Ce sauvage me répartit que la porte ordinaire était la porte des vivants et non des morts. Et, par conséquent, que les morts n'y devaient point passer. Or, comme il croyait m'avoir bien satisfait et qu'il se moquait, je lui demandai si, quand il avait tué un castor, il le faisait entrer et sortir par la porte commune. « Oui, » dit-il. « Elle est donc, lui dis-je, la porte des morts aussi bien que des vivants. » Il repart qu'un castor était une bête. Alors, je répliquai en riant, « Votre porte est donc la porte des bêtes, aussi bien que vous l'appelez la porte des vivants. » Il s'écria, « Oh, assurément, cela est vrai. » Et il se mit à rire. Je lui demandai encore pourquoi il enterrait les robes des morts avec eux. « Elles leur appartiennent, » répondit-il. « Pourquoi leur ôterait-on ? » « Si vous les pressez, » ils ne s'opiniâtrent point. Ils suivent une certaine routine dans leurs superstitions, dont ils ne peuvent rendre aucune raison. Voilà pourquoi ils sont les premiers à s'en moquer quand vous leur faites voir qu'elles sont ridicules. Il est vrai que j'en ai vu quelques-uns extrêmement attachés à leurs songes. Ils font de diverses sortes de festins. J'en sais quelques particularités, mais j'attendrai une autre année pour en parler avec plus d'assurance. Au festin des morts, ils jettent le reste dans le feu. Aux autres festins, c'est à manger tout et faut crever plutôt que de rien laisser. Quasi tous les sauvages ont un petit castipitagan ou sac à potin. Les uns sont faits d'une peau de rat musqué, en telle sorte que l'animal semble tout entier. Il n'a qu'une petite ouverture par la tête par où ils l'ont écorché. Les autres sont faits d'autres animaux. Il y en a qui ont une partie du bras et la main de quelqu'un recroît qu'ils ont tué. Cela est si bien vidé que les ongles restent tout entiers. Vous diriez vraiment une main solide quand ils l'ont remplie de patins ou autre chose. Je n'en ai point vu, mais on m'a assuré que cela était ainsi. Quelquefois, pour montrer qu'ils ont du courage, un sauvage se liera le bras nu avec un autre. Puis, mettant entre les deux bras, sur la chair, un morceau de tondre allumé, il le laisse consommer jusqu'au bout, se brûlant jusqu'aux os. Celui qui retire le bras et secoue le feu est tenu pour moins courageux. Je n'ai point vu cette barbarie. On m'a dit qu'un Français, étant au Huron, pense à perdre le bras, voulant jouer à ce beau jeu contre un sauvage. Il est vrai que les sauvages sont fort patients. Mais l'ordre qu'ils gardent dans leurs exercices les aide à conserver la paix dans leur ménage. Les femmes savent ce qu'elles doivent faire, et les hommes aussi. Et jamais l'un se mêle du métier de l'autre. Les hommes font le corps de leurs canots, les femmes cousent l'écorce avec de l'osier ou un petit bois semblable. Les hommes font le bois des raquettes, les femmes la tissure. Les hommes vont à la chasse et tuent les animaux, les femmes les vont quérir, les écorchent et passent les peaux. Ce sont elles qui vont quérir le bois qu'ils brûlent. Bref, ils se moqueraient d'un homme qui, hors d'une grande nécessité, ferait quelque chose qui dut être fait par une femme. Notre sauvage, voyant le père de nous apporter du bois, se mit à rire en disant « En vérité, c'est une femme !» voulant donner à entendre qu'il faisait l'office d'une femme. Mais, quelque temps après, la sienne tombant malade, et n'ayant personne dans sa cabane qui le pût soulager, il fut contraint d'en aller quérir lui-même. Vrai est qu'il n'y alla que sur la nuit pour n'être vu. Un vieillard avait songé, ou plutôt vu, à ce qu'il disait, une quantité d'Iroquois qui, se dispersant çà et là, cherchaient les montagnais. Les autres sauvages consultaient là-dessus ce qu'il fallait faire, quelques-uns dirent qu'il fallait prendre avis de ces gens qui parlent à Dieu, entendant parler de nous autres. Ce songe s'en alla en fumée. Comme je demandais à Pierre Pastedichuan comment on disait en sa langue « Où sont tes frères ?», une femme sauvage survenant là-dessus, il ne me voulait point répondre, me donnant pour raison qu'il attristerait cette femme et qu'il la ferait pleurer à cause que ses frères étaient morts. « On ne parle plus des morts parmi nous, » me dit-il. « Voire même, les parents du défunt ne se servent jamais des choses dont le mort se servait pendant sa vie. » Le 15 du même mois de décembre, quantité d'Algonquins nous étant venus voir, l'un d'eux, me voyant écrire, prit une plume et voulut faire le même. Mais, voyant qu'il ne faisait rien qui vaille et que je souriais, il se mit à souffler sur ce qu'il avait écrit, pensant le faire en aller comme de la poudre. Je leur fis dire à tous que nous étions venus pour les instruire. Ils répondirent que je faisais bien d'apprendre la langue et que je la saurais, que tout serait facile de part et d'autre. Le 19, la neige étant déjà fort haute, les sauvages prirent huit élans ou orignaux. Vers ce temps-là, l'un d'eux, nommé Nasitamirincou, et surnommé des Français Brehaut, leur dit qu'il avait songé qu'il fallait manger tous ces orignaux, et qu'il savait bien prier Dieu, et qu'il lui avait parlé que telle était sa volonté, qu'on mangeât tout, et qu'on n'en donnât rien, si on en voulait prendre d'autres. Les sauvages le crurent, ils n'en donnèrent pas un morceau aux Français. On me raconta ceci en la présence du songeur. Il n'avouait pas tout. Néanmoins, la chose semble bien probable car, ayant cabané auprès de nous et nous ayant ouï parler de Dieu, il était homme pour en parler par après et faire de l'entendu parmi ces gens. À suivre.